C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette édition, la grande édition de ce 1er septembre 2019, dont voici les principaux titres. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle tous les intervenants dans le secteur de l'éducation à travailler en synergie pour répondre aux besoins des groupes et des vulnérables. C'est au moment où les élèves des familles des Batois des cités de Boutéré indiquent avoir des difficultés d'accès au matériel scolaire. Et la ministre de la Justice, Laurentine Kanyana, demande au juge d'être apolitique. Elle a fait cet appel au cours de cette semaine où elle rappelle que leur travail est incompatible avec la politique. Et le chef-lieu de la commune Moussongati, nous sommes de la province Routana, n'a pas d'eau courante depuis son existence. Et la population dit se battre à l'eau de la rivière. Voilà pour le sommaire. Page justice pour débuter ce journal. La ministre de la Justice demande au juge d'être apolitique. Aimé Laurentine Kanyana rappelle que leur profession est incompatible avec l'exercice de la politique. Elle a dit au cours d'une réunion avec les magistrats de la commune Moussigati dans la province de Bubanza, c'était vendredi de cette semaine. Suivez plutôt la ministre Aimé Laurentine Kanyana au micro d'Aubin Nyongour. Justement, le magistrat est apolitique. Mais on a constaté que certains magistrats commencent à s'affilier à des partis politiques. Surtout, ce qui est malheureux, c'est qu'ils s'affilient même aux partis politiques qui ne sont pas agréés. Donc, on les considère comme des rebelles. Ils ont été attrapés à Bururi, ils ont été jugés et condamnés. Ce n'est pas des rumeurs. Nous appelons à d'autres magistrats de rester neutres. Ils sont appelés à trancher quand il y a des problèmes entre les membres des partis politiques. Le serment qu'ils ont prêté est clair qu'ils restent neutres pour aider la population à vivre en harmonie. C'était Laurentine Kanyana, ministre de la Justice. Page éducation, les élèves des familles et Batois des cités de Boutéré, nous sommes à mairie de Bujumbura, indique avoir des difficultés d'accès au matériel scolaire à la veille de la rentrée scolaire 2019-2020. Certains d'entre eux regrettent n'avoir pas eu les résultats de l'année passée suite au manque du minerval. Selon la pauvreté à laquelle fait face leur famille est la cause majeure d'abandon scolaire. Le point avec Charles Makote. La Dine Kwizera est l'une des élèves batois du quartier Kiyange en zone urbaine de Buterere. Elle vient de terminer la deuxième poste fondamentale. Toutefois, elle indique avoir appris son avancement de classe par oui dire faute d'avoir payé le minerval. Nous n'avons ni de cahier, ni de l'uniforme, mais également le minerval. Je n'ai pas eu le bulletin car je n'ai pas payé tous les trimestres. Je ne connais rien du classement. Savoir que j'ai avancé de classe, je l'ai entendu dire, faute des frais scolaires. Bien que la volonté de fréquenter l'école reste forte chez les élèves batois, la pauvreté qui sévit dans leur ménage est selon Minani Rehema, élève en 8e fondamentale, une des causes d'abandon scolaire. Elle se dit attristée par son frère qui a été contraint d'abandonner faute du minerval. La raison qui fait qu'on n'arrive pas au bout de notre scolarité, c'est à cause de la pauvreté. En ce qui me concerne, je n'ai pas payé l'année entière. Par conséquent, je n'ai pas eu de bulletin. Il est à l'école. J'aimerais qu'on m'assiste pour les frais scolaires et l'uniforme. L'école va commencer, mais nous n'avons rien comme matériel scolaire dans la maison. J'ai un frère qui vient d'abandonner l'école à cause du manque du minerval. Si quelqu'un pouvait l'aider, il peut reprendre l'école. Au sein de l'association Unissons-nous pour la promotion des Batois Iniproba, on indique que les Batois nécessitent toute une politique d'intégration sociale. Emmanuel Nengo, représentant des gardes de l'Iniproba, fait savoir que le plan national de développement et la vision 2025 reconnaissent la particularité des Batois et demandent à l'État de faire sien la question relative à l'éducation des Batois. Pour nous, le gouvernement devrait aller de l'avant, mettre en place un mécanisme qui pourrait étudier en profondeur cette problématique et trouver des solutions durables. La convention relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989, dans son article 26, appelle les gouvernements à prendre les mesures pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux. Charles Makota, qui nous disons merci. En réaction, le président de la Commission indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle tous les intervenants dans le secteur de l'éducation à travailler en synergie pour répondre aux besoins des groupes de vulnérables, les Batois en particulier. Suivez plutôt Sixte Vignini Mouraba, président de la CNIDH. Pour qu'il y ait éducation inclusive, il faut qu'on se rappelle qu'il y a beaucoup de facteurs, surtout des facteurs économiques et des facteurs sociaux, qui interviennent pour que les enfants puissent avoir accès à l'éducation. D'abord, on sait que construire des salles de classe ou bien augmenter le nombre d'enseignants, c'est un facteur crucial pour la promotion de l'éducation. Mais il y a d'autres facteurs, surtout économiques, qui ont une entrave sévère sur la réussite de l'éducation parce que les gens doivent avoir quoi manger, ils doivent avoir un logement décent pour qu'ils puissent aller à l'école et suivre l'enseignement. Donc j'appelle les intervenants, que ce soit les institutions étatiques ou non étatiques, que ce soit les organisations nationales ou internationales, pour qu'ils puissent collaborer, travailler en synergie afin de disponibiliser les moyens nécessaires pour que ces enfants puissent tous accéder à l'éducation. Mais aussi, il faut qu'ils collaborent pour que leur famille puisse être indépendante et économiquement. Et c'est clair que pour les peuples autochtones, ils doivent avoir accès équitable avec les autres populations. D'abord, je remercie le gouvernement qui a mis en place une constitution qui donne une place de choix aux peuples autochtones en termes de représentation. La deuxième chose, ça serait que ce soit le gouvernement, que ce soit les organisations tant nationales et internationales, ils puissent continuer à travailler en synergie pour disponibiliser les ressources nécessaires afin que ces populations soient vraiment dans des conditions acceptables. Parce que l'éducation, ça passe par l'économie, mais aussi ça passe par une vie décente. C'était Sixte Vignini Mouraba, il est le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et CNIDH au Burundi. Et un dialogue entre les enfants et leurs parents sur la sexualité et la santé sexuelle serait une solution pour limiter les violences basées sur le genre, selon les jeunes qui avaient été regroupés au chef-lieu de la province Cibitoke par l'organisation non gouvernementale CARE International depuis mercredi de cette semaine. Pour certains parents de la commune Nerugombo, la question sur la sexualité, la santé sexuelle au centre du dialogue dans les familles reste toujours une question considérée comme tabou et affirme qu'avec la sensibilisation, les parents parviendront à vaincre les mercenaires croyants. C'est le point avec Alexine Dairakic. Certains jeunes représentant la jeunesse des provinces de l'Est, Ouest et Sud et Centre du Burundi demandent un dialogue entre eux et leurs parents relatif à la santé sexuelle. À part cela, ils affirment que lorsqu'ils seront unis dans les travaux de développement, en se méfiant du comportement de la paresse, en priant, en se conduisant correctement, qu'ils lutteront contre les violences basées sur nos genres. Ceci a été dit par ces jeunes, où plus de 100 étaient en province de Cibitoke, où ils suivaient les actes de sensibilisation contre les violences basées sur nos genres, organisées par le projet Menyeche d'Oké International à la fin de ces semaines écoulées. Ces jeunes ont demandé au gouvernement un appui dans le projet de développement et surtout d'être protégés par la loi sur les violences basées sur nos genres. Ils ont continué à demander que la justice soit faite chez les victimes de ces violences. Concernant un dialogue entre les parents et leurs enfants, certains parents rencontrés au chef-lieu de la commune Rugombo nous ont indiqué que suivant leurs croyances et leurs mœurs, qu'il est tôt pour parler de la sexualité chez les enfants, mais qu'avec la sensibilisation, ils parviendront à le faire. Et la représentante du projet Menyomenye Shadoke International qui a appuyé ses activités et le conseil principal du gouverneur de Cibitoke avec le médecin provincial à Cibitoke ont demandé aux jeunes présents de ne pas se faire manipuler dans le domaine de la sexualité et surtout d'adopter une bonne conduite, que cela limitera les violences basées sur le genre. Depuis Cibitoke, Alexine Deragije, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h07 dans les studios de la radio Isanganiro. Poursuivons ce journal avec cette page de sécurité. Trois personnes ont été arrêtées par la police ce dimanche dans différentes collines de la commune Nyabiraba. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Ces arrestations ont fait suite à la saisie des grenades, des cartouches et des chanvres dans différents ménages. Et l'administrateur de la commune Nyabilawa, Ferdinand Simbana, nie cependant les propos selon lesquels il s'agirait d'un montage contre les membres du parti CNL dans cette localité. Suivez plutôt l'administrateur de la commune Nyabilawa, joint au téléphone tout de suite par Évariste Nzikobanyak. Ce matin, il y a une perquisition faite par la police communale. Il y avait beaucoup de jours où on attrapait des armes dans notre commune. Alors, on a décidé de faire une perquisition et on a attrapé 4 grenades et 32 cartouches d'un fusil appelé Kalachnikov. Ces grenades ont été saisies sur un ménage dans certains des communes atogènes de la colline Mousseigne. Et la fouille a été faite sur 3 collines, Mousseigne, Mugendo et Kigina. Et à Mugendo, on a saisi un quart de kilo de chanvre et on est en train de poursuivre ces malfaiteurs. Deux informations qui proviennent des dirigeants du parti CNL dans la commune de Nyabilawa indiquent que serait un montage contre les membres du CNL dans cette commune. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne crois pas que ce soit un montage. Les choses sont là à la justice pour faire des investigations relatives. Parce que ces grenades étaient emballées dans les vêtements du chef de ménage. On sait que c'est le secrétaire du CNL dans la commune. Mais on s'imagine comment est-ce qu'il a, on a pu trouver ces vêtements et emballer ces grenades dans ces vêtements. Et ces vêtements étaient derrière sa cuisine. De toute façon, je crois qu'il faut attendre les investigations. Puis, on saura qui est fautif, qui n'est pas fautif. Et même la personne qui détenait ce chanvre a pris le large. Monsieur l'administrateur, avant d'opérer cette fouille perquisition, vous avez des informations qu'il y a des armes qui circulent dans la commune. Ces informations étaient là et on a même saisi beaucoup d'armes. On avait saisi 2 fusils il n'y a pas longtemps, un fusil Kalachnikov et un pistolet mitrailleur. On avait saisi un fusil phare, de type phare. Avec beaucoup de cartouches, on avait même saisi 2 grenades sur la colline Mukongo. Donc, c'est devenu monnaie courante dans notre commune. Donc, dans la commune, il y a de l'insécurité. Bon, je ne dirais pas qu'il y a de l'insécurité dans la commune, mais il y a des gens mal intentionnés qui veulent troubler la paix. Mais la paix existe quand même dans notre commune. C'était Ferdinand Simbana Niye. Il est administrateur de la commune Nyabilawa de la province Bujumbura. Rendons-nous dans la province Rutana cette fois-ci pour parler de ce manque dont le chef-lieu. De la commune Musongatia en province Rutana qui n'a pas d'eau du robinet depuis son existence et la population de cette commune fait recours à l'eau des rivières, explique-t-elle. Et l'administration communale à Musongatia lance un appel au gouvernement, aux autres bienfaiteurs pour faire arriver cette eau courante à cet endroit. Jean Ibigila a été pour nous à Musongatia, voici ce reportage. Le chef-lieu de la commune Musongati, province de Rutana, est habité par plusieurs personnes. Il y a aussi un hôpital de district, 2 congrégations de religieux et marché d'autres. Toutefois, il n'y a pas d'eau de robinet, d'où certains des habitants du chef-lieu de cette commune indiquent qu'ils ont des problèmes liés à la propriété et à l'eau à utiliser. Ici, au chef-lieu de la commune Musongati, le manque d'eau a un grand impact parce qu'il y a beaucoup de gens à la commune, au marché, il y a aussi l'école secondaire et l'école primaire qui se trouvent là-bas. Partout, il n'y a pas d'eau. Alors, c'est un grand problème. Si les gens manquent d'eau, il y a beaucoup de choses qui vont mal. L'insalubrité. Dans notre ménage, nous n'avons pas l'eau suffisante pour laver nos habits. Ainsi que la préparation des aliments. On peut aussi souffrir des maladies liées à l'insalubrité. Le conseiller technique de l'administrateur chargé du développement, Nyangirusa Artemon Félix, demande à l'État, à l'UNICEF et à d'autres bienfaiteurs de songer à rendre disponible l'eau de robinet au chef-lieu de leur commune. Nous demandons au gouvernement pour qu'il puisse intercéder pour notre commune pour pouvoir d'abord approvisionner l'eau suffisante au niveau de l'hôpital et au niveau de la population. Nous aimerions que alors le gouvernement vienne à l'UNICEF qui nous avait fait une promesse de consentir les moyens nécessaires pour que l'eau puisse arriver à la population et en particulier qui est à l'hôpital parce que vous savez, il n'y a pas de bonne santé sans eau. Et nous demandons aussi à nos partenaires pour pouvoir apporter de l'eau potable dans la population et surtout avoir de l'eau suffisante pour l'hôpital. Ça serait un atout pour la bonne santé de la population. Cette autorité administrative dit que la commune Musongati compte un peu plus de 72 000 personnes. Merci Gérard Nibigira. Même information, mais différentes provinces. Et cette fois-ci, nous nous rendons dans la province Makamba, où une dizaine de familles du site de démobilisés de Muyogo en commune et province Makamba déplorent le manque d'eau potable Ils indiquent qu'ils sont obligés de payer pour un bidon de 20 litres une somme variant entre 700 et 1000 francs à défaut de parcourir une distance de 2 km. Ils demandent à la régie des eaux de régler ce problème avant que les maladies des mains sales ne les surprennent. Les détails avec Jérôme Akiziman. Il s'agit l'un des grognes de certains des habitants du site des démobilisés handicapés de guerre de Muyogo en commune Makamba. Ils déplorent le manque d'eau dans ce site pendant la saison sèche. Ils indiquent que l'eau se trouve cette fois-ci à une distance d'environ 2 km, difficile de parcourir cette distance étant handicapé. Pour s'en approvisionner, ils expliquent qu'ils font recours aux conducteurs de vélos. Ils précisent qu'ils paient une somme allant de 700 à 1000 francs par bidon et qu'une famille peut utiliser en moyenne 10 bidons par jour. Ces habitants en situation d'handicap déplorent ces dépenses. Pour celles-ci, la propriété des ustensiles de cuisine devient quasi impossible. Face à cette situation dans laquelle certains gens se rabattent aux zones de ruissons, ces habitants de ce site de démobilisés handicapés de guerre craignent d'attraper les maladies des mains sales. Ce site de démobilisés handicapés de guerre de Muyogo en commune Makamba a été inauguré en 2014 et compte 15 maisons, dont les 3 pour les Batois. Depuis Makamba, Jérôme Hakizimana, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakizimana. Et point final à cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que les familles des Batois, cité de Boutelé, indiquent avoir des difficultés d'accès au matériel scolaire. Et pour cela, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme appelle tous les intervenants dans le secteur de l'éducation à travailler en synergie pour répondre aux besoins des groupes et des vulnérables. Et la ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, demande aux juges d'être apolitiques. Pour elle, rappelle que leur travail est incompatible avec l'exercice de la politique. Et le chef-lieu de la province, Musongati, en province de Lutana, n'a pas d'eau du robinet depuis son existence. Et la population dit se rabattre à l'eau de la rivière et craigne des maladies des mains sales. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana qui assure la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere qui vous souhaite une bonne journée dominicale. À tous, au revoir.